manger à l'asile. C'est l'ami capuant, elle enfume tout d'azice. Nouveau SCP en fuite de l'asile. Le péteux sous le matelas comme un rasta de l'azile. Les trois têtes, les crocs dans le cou, Cerberus veut chiquer. Jusqu'à l'enquête du fils, le comptable est cheaté. Respect la fille du ciel, le montage est tuqué. Not quite bad, boy. Un jeu, c'est l'usine, il faut rentrer l'étal. Je vais devoir bouger mon cul de l'art. Mets les sangles dans la malle. Et je tapine à ciel ouvert devant les détards. M249, le round il est long. J'ai une lame sous le cœur, fais des spas du nylon. Regarde-moi monter jusqu'au demi-million. VSOP sous palais, j'ai pas le choix, m'engraisser comme un tenancier. Le dents elle est vide, faut combler de papier. Sous vos me fais pas le vova. Ça peut vite dégainer l'outil undercover. Je fais le métalleux, tu finis sur la cover. Papa m'en ira jamais. Je suis ni flic ni voleur. APD hustler, 16 grains dans le Winchester. Industrie de pute, c'est le bruit et l'odeur. L'oiseau de métal, mon robot fait mon tirer sur les palmes imprimé 3. Va faire le travail mouillé, foncé qui t'a cru t'aller douiller. Je vais en sortir du bureau trouvé, je vais en sortir du. Non, tu vas pas en sortir du bureau. Je vais pas payer les skins à ton père, je vais pas payer pour la fatière. Va falloir te faire un projet de l'UTR. J'en veux pas les petits, il est du père. Mais crois pas, je vais lâcher une larme. Mais cet été, je vais faire pour la cause. Si j'étais le droit de parler et d'acheter une arme. Sport, pas pour skinny. J'ai mis le club dans ma main, dirais que j'ai kiffé le feeling. Made in ALB, fallait pas me donner le visa. Si on voyait avec une AIP, tire-moi par un visage au pont. Je croyais vous scam la bank, sous 40 euros. Les cernes à peine la paix, me demande pas la couleur du bout. Je reload lequel, je reload celui qui me rend le plus beau. Ou sur 12-76, va laisser les côtes au vent plutôt. Et à 2-3 vis de but de la métropole. Papa m'en ira jamais, mais qu'il les ira enculés quand même. Ça marche pas avec nous, mais ça court avec New York et une équipe de Jérusalem. SP4J 408, je nique ta mère la pute, j'ai rien à perdre. 4-50 dans la citerne, tu fais des talcs avec ce que j'ai dans la tête. Ils ont encore le bout de ma bite dans la bouche, j'amène au doigt la baguette.